the weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown. Bonjour à toutes et à tous, ici Lia. Vous êtes bien sur Radio Gemozo. Vous écoutez sur le 107 FM via internet ou sur appli gratuite pour smartphone. Coucou à tous. Et nous sommes en direct, bienvenue dans ma bulle. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour une émission avec un petit goût différent. Eh bien oui, demain ce sera la dernière de la bulle version quotidienne. Mon contrat prend fin, ça arrive. Et j'ai eu envie aujourd'hui de partager avec vous eh bien un moment de chaleur. J'espère que vous passerez un aussi agréable moment que moi. Alors le compte est fait, presque 200 bulles avec tout autant, voire plus d'invités, vraiment à tous, j'ai adoré passer tous ces moments avec vous. Nos émissions ont toutes commencé plutôt comme ça. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Tout au fil du temps, beaucoup de chemin parcouru, il reste toujours un petit peu de ça. Hein. Voilà, alors à vous tous qui avez un moment croisé eh bien mon chemin, avec qui j'ai pu apprendre, discuter, échanger, et pour tous ceux qui m'ont écouté, en somme, chers auditeurs et vous, chers invités. Je veux te dire merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour la vie, pour les hommes. Pour chaque instant que tu façonnes et pour ces gestes qui te nomment, merci pour ce que tu nous donnes. Et oui, merci vraiment à vous tous. Je ne cesserai de le dire et de le répéter tout au long de cette émission, eh bien parce que la bulle, elle n'aurait jamais pu avoir lieu sans vous qui écoutez, sans vous qui êtes venus. Et vraiment encore mille et une fois, merci. Alors on est plutôt bien parti pour un bon moment, un brin nostalgique, hein, mais on va pas se laisser aller. On va écouter Delphine, qui a été une de mes toutes premières émissions en 2016 dans La Vie de l'IA. Peut-être que vous en avez entendu parler à un moment ou un autre. J'avais eu la grande chance le 20 octobre de la rencontrer et à cette occasion, elle nous avait offert un superbe live. T'es dans la peau, dans les eaux, dans ma dynamo, un sentiment tout le temps. Je l'ai su dès que je t'ai vu, que je l'aurais dans le cul. Le tien était plutôt pas mal, pas aussi beau que ton visage, sur lequel j'ai souvent fait naufrage. Des airs de petit garçon, des cheveux noirs charbon, une encre derrière l'oreille et un tout petit Marcel, ouais. J'étais dans la peau, dans les eaux, dans ma dynamo, un sentiment tout le temps. Je l'ai su dès que je t'ai vu, que je l'aurais dans le cul. Cœur d'artichaut, on est tombé dans le panneau. Je l'ai crié sur tous les toits que je n'aimais que toi. J'aurais pu te chanter, y'a trop de gens qui t'aiment. Heureusement, je m'appelle pas Hélène. J'étais dans la peau, dans les eaux, dans ma dynamo, un sentiment tout le temps. Dès que je t'ai vu, que je l'aurai dans le cul. Mmh. Merci Delphine pour ce superbe live que tu nous avais offert, eh bien, comme je l'ai dit il y a quelques temps. Merci à toi, à tous ceux qui sont venus ici me faire des lives, me faire partager leur musique et tout autre, mais j'en dis pas plus, hein. On verra ça tout au long de cette émission. Alors avec moi chaque jour, j'ai quand même eu la grande chance et le plaisir de partager mon temps et mon bureau, il faut le dire, avec deux collègues d'exception. Et l'ambiance, c'était pas vraiment ça. Non, non, c'était pas vraiment comme ça, hein, notre ambiance à nous, c'était plutôt ça. Et oui, avec Camille et Marion, on a eu de grands moments. Bien entendu, vous avez entendu parler de ces deux super nanas. Marion, ma Bridget Jones, celle qui vous donne la patate dès le matin avec sa matinale. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet, il est 8h30 et c'est Marion, vous êtes bien dans la matinale, je suis ravie de vous retrouver. Ah Marion, tu sais, c'est la nana hyper dispo, surtout quand tu as un problème technique, quand tu cherches une place à l'ombre ou tout autre, enfin, quand tu as problème tout court, Marion, elle a toujours la solution, mais c'est aussi un incroyable talent de commentateur sportif, hein, il faut le dire, et une mine de connaissances sans fond, surtout niveau people. Mais le people beau gosse, hein, je préfère prévenir. Et les chansons, bah, c'est les bonnes vieilles musiques des années 2000. Non, je rigole. Quoique, en tout cas, nous, on adorait ça. Et au quiz, hein, ben oui, on avait fait une émission avec Camille, hein, c'était mieux avant. Camille avait spécialement préparé ses émissions à force d'être dans l'ambiance 2000 tous les matins. Ça lui avait donné un brin d'idées. Et au quiz, eh bien, Marion, elle m'avait quand même mis la pâtée. Mais à toi aussi, Camille. Si, si, tu sais, dans notre émission spéciale Noël, d'ailleurs, il me semble que Marion nous faisait quelques confidences à cette occasion. On écoute ça, tiens. Vous que le pays du Père Noël, j'en parlais justement. Ouais. Je suis à Camille. Pour les aurores boréales. Ouais, pour les aurores boréales. Et mon Dieu, ça doit être magnifique. Ça, c'est un de mes rêves, on va dire. C'est un peu en haut de ma liste, mais il fait un petit peu trop froid pour moi là-bas, ouais. Donc du coup. En chien de traîneau. Ouais, non, mais franchement, ça doit être super sympa. Mais voilà, après, faut tomber au bon moment pour les aurores boréales. Vrai. Parce que si tu vas jusque là-bas à moins 20, voire moins 30, et puis qu'au final, tu repars et que t'as pas vu une seule aurore boréale, je pense que y a moyen d'être un peu dégoûté. C'est ça. Mais franchement, ouais, visiter le village du Père Noël, pourquoi pas. On est des grands enfants quand mais même. Mais c'est ça. C'est Noël, ça nous ramène en enfance en fait. C'est vrai. Et ouais, on est des grands enfants, on est toujours des grands enfants. Merci Marion pour ta bonne humeur, pour ton son et pour toutes les choses que tu m'as apportées. Hein. Tu m'as bien guidée, tu m'as donné plein d'astuces. Je te dirai jamais assez merci en tout cas de m'avoir accueilli un petit peu les bras ouverts et puis pour toutes les discussions qu'on a eues. Et puis bien sûr, eh bien il y avait Camille hein, qui aura partagé notre quotidien avec Marion et à moi durant 8 mois. Service civique avec ses émissions sur l'égalité homme-femme. Elle était inspirée, notre Camille, et elle a aussi relevé eh bien haut la main la préparation minutieuse des billets de sortie, mission que je lui ai lâchement confiée, j'avoue. Ok, désolée Camille, et bien entendu, on n'oublie pas ton implication au sein d'émissions auprès des services civiques. Tu as fait un petit peu venir ben, des services civiques ici au sein des studios Radio Gémozo pour qu'ils parlent de leurs expériences. Tu as rencontré plein de monde et nous avec, et ça c'était plutôt vraiment très très chouette. Quelle nana notre Camille. Alors Camille, c'était aussi les grandes causes, comme quand notre réponse, non, j'exagère pas, je me suis lancée dans une tresse, j'ai arrêté au bout d'une demi-heure. Notre Camille est donc rentrée de vacances, un gros paquet de cheveux en moins. Et voilà l'explication. Monique, Camille, comment vas-tu ? Ça va, et toi ? Ça va très bien. Alors, tu reviens de vacances, comment ça s'est passé ? Très bien, très bien. Alors, t'as envie de nous faire une petite intro, là. Alors, pour ceux qui connaissent Camille, elle avait les cheveux jusqu'aux fesses avant de partir en vacances. Elle revient de vacances, elle a les cheveux jusqu'aux épaules un petit peu plus longs. Ça change, mais alors, tu l'as pas fait sans but aucun. Il y avait quand même une action derrière tout ça. Oui, alors effectivement, j'avais des cheveux assez longs. J'ai coupé, je pense, 30-35 centimètres. Ouais. Et en fait, voilà, ça fait longtemps que je voulais faire quelque chose avec mes cheveux. Je savais pas trop. J'avais envie de faire des trucs rigolos, des teintures, des coiffures, etc. Puis je savais pas trop, en fait. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'il y a des gens qui vendent leurs cheveux ou qui les donnent. Et donc, j'ai regardé un petit peu sur Internet et je suis tombée donc sur l'association qui s'appelle Solidaire, qui récupère donc les cheveux pour donc après qu'ils les revendent eux-mêmes à des perruquiers, et avec cet argent ils achètent des perruques donc pour les femmes qui ont le cancer. D'accord. Donc qui perdent donc le cheveu dans le processus du cancer. Il y a des traitements assez forts qui font que les cheveux tombent, et voilà, donc pour c'est vrai que voilà, quand on perd ses cheveux, c'est assez dur. Certaines femmes voilà se sentent une partie d'elles-mêmes en moins, et voilà, c'est ça peut être vraiment quelque chose d'important moralement d'avoir une perruque. Et ben voilà, de pouvoir continuer à sortir, à voir ses proches, tout en gardant entre guillemets un petit peu de féminité. Ouais, voilà, de se sentir bien en fait dans sa peau, tout simplement. Et donc voilà, donc ces gens ont envie d'acheter des perruques. Malheureusement, c'est très cher. Oui. Alors voilà, il y a deux façons de faire des perruques. Enfin, il y a deux types. C'est synthétique, soit cheveux naturels. Alors je vous dis pas, bien sûr, les cheveux naturels, c'est bien bien cher. Oui. Donc ça va au-delà de 1 000 euros, voire bien plus. Et je crois que de tête synthétique, c'est dans les 200-300 euros, ce qui reste assez cher. De tête, quel beau voilà. jeu de mots. Exact. Et voilà pour notre intervention de notre chère Camille, toujours la bonne cause, le bon mot. Je te fais des gros bisous, mais je pense que je vais t'en faire quelques-uns juste après. On n'oublie pas que, bien sûr, elle nous avait proposé des superbes chroniques BD dans lesquelles elle avait monté un son de folie que j'ai essayé d'imiter aujourd'hui, mais perso, je pense que j'y suis pas arrivée. Avec Camille, pour commencer, il y avait la phase d'approche, et puis il y a eu le Festival international du film fantastique de Gérardmer, oui, Fantasticard, quoi. On a aussi infiltré la Souris Verte pour interviewer le groupe La Petite Fumée, organisé par Les Halles. Quel moment de folie. Eh bien, c'est justement le moment, eh bien, de la piqûre de rappel. On écoute tout de suite, eh bien, ce son de La Petite Fumée. J'ai choisi Elements. C'est parti et on se retrouve juste après. We'll be right back. Et voilà pour ce son de La Petite Fumée, son qui m'a été, eh bien, enfin, en tout cas que Camille m'a fait rencontrer il y a quelques temps. Camille, elle a toujours eu le bon filon niveau musique. Et Camille, bah, j'ai le grand plaisir de l'avoir avec nous aujourd'hui au téléphone. Est-ce que tu nous entends bien, Camille? Bah oui, je vous entends. Ok, c'est cool. Je suis super ravie que tu sois aujourd'hui au téléphone avec nous, parce qu'on précise à nos auditeurs, si j'ai le droit, bah, que t'es plus vraiment trop en France. Donc voilà, on est super content de pouvoir te parler. Alors tu m'as quand même sauvé la mise lorsque mes invités m'ont un petit peu oublié. On a fait quelques émissions ensemble, mais je leur en veux pas. Hein. Des gros bisous à tous. Vous deux, les deux superwomen qui ont partagé mon bureau, vous avez quand même supporté ma maladresse. Enfin, soyons clairs, mes deux mains gauches, ma boulimie de bonbons et le supplice du dessert, c'était dur hein, quand même l'ambiance, Camille. Non, ça va. Alors, qu'est-ce que tu deviens, Camille? Eh bien, écoute, bon, on peut dire aux auditeurs, je suis partie en Allemagne. Ouais. Donc, pas si loin que ça, mais quand même un petit peu loin pour continuer à faire les émissions. Et oui. Donc voilà, toujours un petit peu triste de quitter la radio, même si on se dit qu'on reviendra un jour, voilà, ouais. Hein, que c'est pas terminé. C'est sûr. Et puis, en tout cas, il fait beau ici, j'espère qu'il fait beau ici dans les bouches. Ouais, il fait beau. Il fait beau et chaud. Voilà. Bah, tout pareil. Hein. Eh ben, c'est cool. Comment ça se passe pour toi là-bas, en Allemagne? T'arrives à te faire un nouveau cercle d'amis? T'arrives un petit peu à aboutir tes projets, ceux que t'avais prévus? Est-ce que déjà tu parles mieux allemand? Parce que c'était un petit peu le but premier. Ma foi, oui. Ah, d'accord. Ça s'améliore quand même, il faut quand même un petit peu survivre. Ouais. Pour pouvoir faire tes cours, quand même, il faut parler un petit peu. Sinon. Eh ben oui. Voilà. C'est mieux. Alors, tu nous écoutes un petit peu de temps en temps? Ah, bah oui, ouais. Tout à fait. Ah, bah, c'est cool. Bah oui. C'est cool. En tout cas, nous, on pense beaucoup à toi. Et puis, on espère que, tout se passe pour le mieux là-bas pour toi. Et puis, surtout, qu'un jour, tu viendras à nouveau dans les Vosges pour nous faire un coucou, passer à la radio. Et puis, surtout, qu'on puisse partir encore en escapade toutes les deux. C'est quoi ton meilleur moment, celui que t'as préféré à la radio, tiens? Eh bien, c'est une bonne question. J'ai pas réfléchi. C'est Mince. Vrai que, le festival de Zer Army et l'interview de la Tichiné, c'est vraiment quand même des très très bons moments. Ouais. C'est vrai que ça nous a fait sortir de notre routine, ça nous a fait sortir du studio, parce que contrairement à ce que je pouvais penser au début, on est quand même pas mal longtemps, on reste quand même beaucoup dans les studios, on sort pas tant que ça à Radio Gémozo. Ouais. Ça fait du bien de prendre l'enregistreur et d'aller à l'avant des gens, les rencontrer, et puis l'aventure, les aléas, genre se rendre compte que l'enregistreur n'a pas marché alors qu'on vient de parler pendant 10 minutes avec des gens super intéressants. C'est pas faux. C'est super sympa de recommencer de parler avec nous, parce que des fois c'est un petit peu gênant ce moment. Carmen et Sylvain, si vous nous entendez, excusez-nous. C'est vrai qu'au festival de Gérardmer, on avait interviewé deux photographes qui faisaient une expo un peu dans des endroits délabrés, un petit peu délaissés. Hein. C'est toi qui avais eu envie de faire cette interview, et puis l'enregistreur, je l'avais pas vraiment bien mis en route. Heureusement, on a pu rattraper le coup et c'était plutôt cool. Ouais, on avait rattrapé en direct, donc vraiment ouais. Improvisation totale. C'est ça. C'était plutôt pas mal. C'était une petite répétition. Il y a eu d'autres moments que tu gardes un petit peu en mémoire? Ben écoute, tellement plein, je pense que ça sert à rien que je les énumère, parce que ça ferait beaucoup trop. Ah, des bons et des mauvais souvenirs. Après, c'est vrai que c'était bien. Je suis contente d'avoir partagé le bureau avec vous, les filles. Ah ouais. C'est vrai que des fois, on se rend compte aussi à la radio que il y a des gens qui passent, s'en vont, qui reviennent, et que en fait tous les animateurs sont jamais là H24. Oui. Et c'est vrai que d'avoir des gens qui sont là tous les jours avec vous, enfin avec moi du coup, oui. Avec Marcus, avec Lou, ça fait de la présence, c'est bien, parce que c'est vrai que des fois je me retrouve un peu toute seule dans la radio avec Jerry la souris. Ah oui, big up à Jerry la souris quand même. D'ailleurs, elle t'a suivi jusqu'en Allemagne, je crois. Oui, j'en ai dans ma nouvelle chambre, malheureusement. Mais surtout toi, tu comptais pas tes heures, hein. Je tiens quand même à le préciser. T'étais un petit peu là de 8h30, 9h jusqu'à 18h, 19h parfois. Et puis, comme je l'ai dit juste avant, je t'avais lâchement dédié le billet de sortie. C'est pour ça que tu restais un petit peu enfermée. Ça, c'est un peu à cause de moi. Je tiens à te présenter toutes mes excuses. Non, mais tu faisais tellement bien les choses. Tu faisais très très bien les choses, t'as eu plein d'idées. Et comment ça te venait toutes ces idées, la chronique BD, c'était mieux avant, les services civiques et égalité homme-femme, bien sûr ça c'était dans ta mission de service civique, mais t'as quand même eu beaucoup de contacts, beaucoup de gens très intéressants qui sont passés te voir. Et franchement c'était plutôt parfois très innovant et plutôt très professionnel pour une première expérience. Bah, écoute, je pense, enfin, professionnel, je sais pas, je pense que quand même, il y a des émissions que j'ai faites qui sont très très nulles et que je préfère ne pas réécouter. Voilà, on va pas dire lesquelles. Mais, en tout cas, je pense que le plus important, le meilleur des secrets, c'est de faire ce qu'on aime. Ouais. Et quand on fait ce qu'on aime, bah, ça se sent et, bah, voilà, on a envie d'y aller et puis on trouve de l'énergie pour le faire et je pense que c'est ça le secret. Et les chroniques BD, effectivement, ça faisait pas partie de mon service civique, mais comme j'aime beaucoup lire les BD, j'avais envie, les années 2000, pour moi, c'était juste un gros moment de rigolade, une vraie émission. Et ça me faisait tellement plaisir aussi de faire ce genre d'émission que j'entends tous les jours à Radio Guémozo, qui sont la plupart du temps des grosses émissions de musique. Et je m'étais dit, ben allez, pourquoi pas. C'est clair. C'était plutôt bien réussi. Je pense que les auditeurs aussi vont t'entendre encore et toujours sur nos ondes, parce que toi aussi, il y a des choses qui te plaisent bien et que ah bah oui. Voilà, que tu vas continuer. Eh bien sûr que je vais continuer, ça c'était un petit peu le mot de la fin, bien entendu, je vais continuer, il y aura même des petites surprises, je t'en parlerai un peu plus en off, et puis nos auditeurs découvriront tout ça à la rentrée, mais je pense que ça va vraiment beaucoup, beaucoup te plaire, c'est dommage que tu sois pas là, mais tu reviendras, et puis tu seras bien sûr la bienvenue, et les deux bras bien grands ouverts. En tout cas, moi j'ai adoré passer mon temps avec toi. Est-ce que tu écoutes quelques podcasts là-bas, d'émissions en Allemagne? Comment ça se passe la radio en Allemagne d'ailleurs? Est-ce que tu écoutes la radio? J'essaye un peu, ouais. C'est pas évident de comprendre. Ouais. Il y a une radio pour les enfants qui est très sympa et bon, assez simple à comprendre. Oui, oui, ça s'appelle Radio Télis. Je vous conseille si vous voulez améliorer votre allemand. Cool. Et qui s'écoute comme Radio Guémozo sur les applications de radio. Donc moi j'utilise celle que vous m'avez conseillée, la Radio Line. Ouais. Ça marche très bien. Il suffit d'avoir internet et puis j'écoute le direct de Radio Guémozo, de Radio Tibi, la radio pour les enfants en allemand, et de trois autres radios comme ça, et puis quelques podcasts. Eh ouais, c'est plutôt une très bonne idée. En tout cas, moi, je suis contente que tu nous écoutes, et puis j'espère que ça te plaît, surtout que ta vie là-bas te plaît. Est-ce que quand même tu penses revenir bientôt, nous faire un coucou? Ah bah peut-être oui, parce que j'ai quand même de la famille encore dans les Vosges, donc. Bah oui, on leur fait un coucou. Après, aussi. Je suis toujours disponible pour un live par téléphone. Eh ben ouais. En ce moment. Ben c'est super, en tout cas, que t'aies accepté d'être présente aujourd'hui dans mon avant-dernière émission, spécialement consacrée à tous ceux qui ont croisé mon chemin, tous mes invités, mes collègues, les auditeurs. En tout cas, c'est encore mille et un merci à vous tous. J'ai passé des super bons moments, moi, ici. Et franchement, de les avoir partagés avec vous, c'était une saveur complètement différente. Et c'était super cool. Est-ce que t'as un dernier mot pour nous? Eh ben oui, je vous embrasse tous. Alors, les auditeurs... Et puis, bien sûr, l'équipe de la radio. Et puis, c'est vrai que ça fait toujours bizarre de dire, ça y est, c'est la fin. Mais ouais. Voilà, on sait que c'est pas la fin pour toi, Léa. Et je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. C'est gentil. Et puis, merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait pour la radio. C'est moi qui te remercie. Tu m'as quand même sauvé la mise plus d'une fois au sein de mes émissions où on m'avait un petit peu lâchement abandonné ou oublié ou arrivé en retard, mais ça a toujours été dans le rire et la bonne humeur. Et puis, t'étais là un petit peu pour me sauver les fesses. Puis, j'oublie pas Marion, avec qui on a partagé des super bons moments aussi ensemble au sein d'émissions, soit spécial Noël, comme on a pu l'écouter juste avant, soit dans tes émissions à toi. En tout cas, on a fait une sacrée team de choc, c'était plutôt super cool. On avait quand même une bonne ambiance et ça, l'ambiance au travail, c'est un peu primordial. Prenez soin de vos collègues, ils sont précieux. Alors si tu veux bien, Camille, on se lance dans une bulle de son, une spéciale Camille avec un son de Fishback, encore un son que tu m'as fait découvrir. Et oui, je pouvais pas passer à côté. Ce sera un autre que moi, parce que franchement, on se l'est un petit peu mis en boucle en montant un Fantastic Car. On pouvait pas passer à côté. Alors on s'écoute tout de suite et puis auditeurs, on se retrouve juste après. Camille, je te fais des gros bisous, on te fait tous des gros bisous et puis plein de bonheur et une très très belle route à toi, puis j'espère à très très bientôt. De même, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. chantait monter dans l'atmosphère. Un coup d'éclat, d'éclair, un coup de tonnerre. Droite, gauche, bras de fer, on se défend. Mais t'as vu la gueule du sentiment qui nous revoue. On ne se revoit pas. Et qu'ils avouent, j'ai jamais dit ça. Je découvre un autre que moi. On se retrouve, un autre attentat. Enlacé dans les airs, on a traversé les déserts, les glaciers de l'Arctique. Spéciale dédicace à ma Camille, à notre Camille, l'unique, la seule Camille de Radio Gémozo. Encore un gros bisou et merci à toi d'avoir participé au sein de cette émission aujourd'hui, une spéciale La Bulle de l'IA, parce que demain ce sera ma dernière et elle sera consacrée à une émission type de La Bulle. Et aujourd'hui j'avais envie de me faire plaisir, de vous faire plaisir et puis surtout de remercier chacune des personnes qui ont croisé mon chemin, avec qui j'ai pu discuter, échanger, etc., etc. Et bien pendant un an, pour moi, ça a été quand même un petit peu une deuxième famille. Alors j'ai eu la chance aussi de pouvoir collaborer avec Gilou des Années Bonheur, hein, avec qui j'ai passé un super moment, une émission spécialement dédiée un petit peu à son parcours, je ne l'oublie pas, et puis bien d'autres. Un gros gros big up à Titouan, hein, Camille ne me contrariera pas sur ce sujet, notre jeune stagiaire qui avait quand même monté à lui seul et bien presque deux émissions de bien plus d'une heure, regroupant toutes nos interviews sur Fantastica. Car même pas peur, le jeune homme, juste des rires, des « non, j'hallucine, trop fort ton accent !» Il a brillamment relevé le direct avec moi, d'ailleurs lors d'une émission qui était consacrée à usiniers français pour une marque de jeans un petit peu dans nos Vosges. Hein. En tout cas, bravo à toi, Titouan. Vous pourrez retrouver sa chronique Parole d'enfant dès la rentrée, je pense. Hein. Et puis, j'ai rencontré également des artistes, plein d'artistes. Je vais pas pouvoir tous les nommer, mais en tout cas, je pense tous vraiment beaucoup à vous. Vous êtes tous là dans ma tête et dans mon cœur. J'avais rencontré dans une bulle, Hugo, un jeune rappeur qui était venu avec les studios Airplay, avec Mousse, qui bientôt d'ailleurs mettra en place la deuxième édition du Festilac à Saulsur, avec des grands noms comme Alpha Blondie, Danakil, Mauvaise Graine, un groupe du coin. Il était venu, Hugo, nous parler de son projet EP. Eh bien, sachez que vous pourrez retrouver cet EP bientôt tout chaud sur les réseaux. Et puis, je vous propose de se faire plaisir aux horaires, en tout cas pour ceux qui aiment. Et puis, ceux qui ne connaissent pas, hein, on est très ouvert, on est éclectique à Radio Gémozo, c'est ça qui est bon. On écoute donc son premier son karaté et on se retrouve juste après. T'as craché, tu le sais, c'est mal. Karama qui paie ma familia. Il n'y a qu'un frère qui me ferait baisser ma garde. Feu si l'attaque il y a. Commence à les balper ses mailles. T'arrives en voulant t'engraisser ma Vic, t'y pensais gros, me baiser moi. Bouge, je ne suis pas de 6 milliards. Airplay est bien trop aimable. Premier repas dans nos propres mains. Personne ne pourra la tromper ma plume, je rapperai bien trop demain. Je vois que dans la rue beaucoup trop t'aima. Ce que t'as fait, ce que raconte mon t'aima. Depuis petit peu, je voulais gratter ma vie. Pas de casser, je vois que tu t'es trompé mal. J'ai commencé, tu m'as donné qu'une année. J'en ai perdu des amis. Je voyais la richesse venir et s'en aller. Je veux ma maillé, maillé grave, m'en bas des avis. J'ai commencé, tu m'as donné qu'une année. Je voyais la richesse venir et s'en aller. Je baisse des carreaux, mais ton carreau t'es karaté. T'as quitté nous voix de haut. Tu veux du verre, mais t'as camapé, camapé. Et tu vois c'est fort, ton inspiration c'est parsemée. J'ai les vrais, je n'écoute pas tous ces faux. Je pourrais sortir un son par semaine. Pourquoi tu fais le marmé? Sur des bulles d'air il n'y a pas de semelle. Des gos beaucoup nous ont charmés. Dans mes bras elle n'arrête pas de se mettre. Les graines ici bas sont arsemées. Fait tirer le Darth Vader, Jack, et je n'ai pas de sommeil. Je te l'ai dit, Gaillou n'a pas de sommeil. Dans quelques années je te dirai que je n'ai pas de semaine. Les graines ici bas sont arsemées. Fait tirer le Darth Vader, Jack, et je n'ai pas de sommeil. Je te l'ai dit, Gaillou n'a pas de sommeil. Dans quelques années je te dirai que je n'ai pas de semaine. J'ai commencé, tu m'as donné qu'une année. J'ai perdu des proches, j'en ai perdu des amis. Je voyais la richesse venir et s'en aller. Je veux mailler, mailler grave et m'en bas des avis. J'ai commencé, tu ne m'as donné qu'une année. Je voyais la richesse venir et s'en aller. Je te baisserai ta remise en karaté, karaté. T'as quitté nous voix de haut. Tu veux du verre, mais t'as camapé, camapé. Karaté, karaté, t'as qui peut nous voir de haut. Tu veux du verre, mais t'as qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. J'te baisserai ta remise sans karaté, karaté. T'as qui peut nous voir de haut. Tu veux du verre, mais t'as qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. Karaté, karaté, qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. Karaté, karaté, tu veux du verre, mais t'as qu'à m'appeler, qu'à m'appeler. Et voilà pour ce son dédié eh bien à Hugo qui est venu partager l'une de mes bulles avec Mousse des studios Airplay. Et j'oublie pas eh bien Toulikal et Steven qui étaient également passés par là. Et puis eh bien comme promis, je vais faire une petite dédicace à Vincent de la team Performer qui était passé également dans ma bulle avec son collègue Dunfit, voilà, qui vous propose eh bien des vidéos pour vous montrer sa spectaculaire transformation. Voilà, il nous entraîne dans le sport et puis dans la motivation, et ça fait plaisir. Alors j'ai plein de messages là sur Facebook, ça me fait très plaisir de tous eh bien vous lire. Vivien de Remiremont, je vais y arriver, désolé Vivien, tu nous as beaucoup suivi, tu nous as beaucoup laissé de commentaires et je te fais un gros bisou. Voilà, il y a plein d'autres personnes, Tof Blanc eh bien qui me souhaite une bonne route. Eh bien je te souhaite une très bonne route, peut-être à vélo, car eh bien vous pourrez retrouver toutes ces structures de vélo dès le mois d'août à l'occasion du grand festival du cyclotourisme à Épinal. Voilà, il a concocté et fabriqué plein de structures en vélo qu'il a mises un petit peu partout. Merci à tous en tout cas, eh bien pour vos messages, ça me fait très chaud au cœur. Alors durant mon parcours à Radio Guémozo, eh bien j'ai eu le plaisir d'assister entre autres à l'émission présentée par la Masse du Toli avec leur émission Plus belle la vie, un vendredi sur deux que vous retrouverez je pense dès la rentrée. Et je voulais faire un gros bisou à Samuel avec qui eh bien j'ai partagé un petit peu la régie à certains moments. Et puis je vous oublie pas, vous non plus, vous avez croisé ma route, j'ai passé de très bons moments également avec les encadrants. Un gros bisou et puis eh bien un gros coup de chapeau à vous. Alors certains de mes invités sont un petit peu quand même passés du côté obscur de la force. Comme notre cher Alain Sainteau avec ses coulisses de l'insolite. Alain Sainteau que l'on avait rencontré avec Camille au sein eh bien, de Fantasticar. Camille et Flo de l'association Les Mondes de l'Utopie avec leur émission Regard d'ailleurs que vous retrouverez sur Radio Guémozo, hein, jeudi par mois il me semble. Amadou de La Miroiterie. Et puis parfois on ne change pas, une équipe qui gagne. J'ai eu de belles collaborations avec des invités très récurrents comme par exemple eh bien Xavier Battistella que je salue, ainsi que Camille et toute son équipe l'équipe de la Maison de la Bresse. Vous y retrouverez d'ailleurs en ce moment même une expo consacrée à Anita Rotureau. Quand même, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Maison de la Bresse pour en savoir plus. Et puis, bien sûr, j'ai eu l'honneur d'avoir Victor de chez Narcisse qui vient juste de terminer la première édition du festival Le Pied Orange qu'il a mis en place. Et j'espère que ça s'est bien passé pour toi et puis que tous les spectateurs, le public a été conquis. Je pense qu'il y a eu beaucoup de monde. Il me semble, j'en suis même sûre. Alors, j'ai aussi collaboré avec, entre autres, Caro de Sinzeo Musique. Je te fais un gros bisou, Caro. Grâce à toi, eh bien, j'ai pu mener nombre d'interviews, comme avec Matskat et son album Matskathérapie. Et puis, je vous propose justement d'écouter tout de suite un son sorti de cet album. Et j'ai pas choisi ce son au hasard. Eh bien, il se nomme La Bulle. On écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après. Ne bougez pas. Les orages quotidiens, et puis marcher, l'esprit reposé de s'être réveillé à la lumière de nos plus belles idées. On ne voulait plus courir sans cesse après notre ombre sans saveur, être ébloui par un autre soleil sous lequel tu serais enfin nouveau et qui ferait briller tout, tout, tout ce qui n'est pas recouvert d'or. N'est pas recouvert d'or. Alors, on a déambulé dans les projets que nos rêves d'enfants nous dessinaient. Et on a cherché d'où partait le train, wow, wow, qui nous mènerait sans plus de détails jusqu'à l'horizon de nos envies, de nos envies qui feraient briller tout, tout, tout ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas recouvert d'or. Tout, tout, tout ce qui n'a pas. Ce qui n'est pas recouvert d'or. On avait pris comme seul guide l'étincelle d'une matinée d'espoir qui nous préludait de radieuses balades sur les avenues des cœurs ouverts aux rencontres de l'inconnu. Oh, oh, oh, oh. Aux rencontres de l'inconnu. Oh, oh, oh, oh. Il nous a porté aux confins du hasard où se déploient les champs de bulles qui créent tous ces moments imprévus de nos vies posés sur papier. Posés sur papier. Les orages quotidiens, et puis trouver l'esprit reposé sans s'y attendre ce qu'on n'a pas pensé chercher. On a trouvé ce qu'on pouvait rapporter pour illuminer nos journées déjà tracées. Alors on l'a crevé pour le plaisir, la bulle envolée de nos désirs avec tout, tout, tout ce qui n'est pas, ce qui n'est pas recouvert d'or. Et voilà pour ce son Matskat, La Bulle, de son album Matskathérapie. Merci encore beaucoup à lui et puis à Caro, d'avoir partagé un moment dans la bulle avec moi. Alors j'ai également pu rencontrer de jeunes gens très innovants avec leurs projets atypiques, comme deux jeunes garçons du parcours d'Épinal ou bien les étudiants de l'ENSTIB qui ont d'ailleurs fait venir au sein de la première du festival l'escapade Mysterias, groupe de Saint-Dié-des-Vosges. Et j'ai eu envie de rencontrer rencontré Claire, leur bassiste. Superbe échange au sein de notre émission. Elle nous avait confié en exclu quelques sons. Elle à la guitare et une jeune chanteuse au timbre magnifique. Et ça donnait plutôt ça. I got a sweet ache deep inside. I can't control it, it's in my mind. Ooh, it might be strange, but I can't deny. I think about you all the time. Oh, how it's hard to explain. There is a ghost deep in my soul, like you're never gone. There is a ghost, his face looks like yours, but he loves me while you're not able to come back here, back here to me. There's too much pressure, I'm gonna fall out. Can't do anything to stop it all. Ooh, why don't you get out and have a talk instead of staying in my heart? Oh, how it's hard to explain. There is a ghost deep in my soul, like you're never gone. There is a ghost. Ça fait du bien, on se détend avec un son pareil. Merci encore à toi, Claire, d'avoir partagé un moment avec moi et puis à tous les artistes que j'ai rencontrés, que ce soit auteurs, peintres, voilà, tous les artistes. Je pourrais pas tous vous nommer, mais en tout cas, j'ai vraiment kiffé tous les moments que j'ai passés avec vous et le mot, eh bien, il est faible. Alors, j'ai eu aussi la chance de rencontrer des hommes et des femmes qui se battaient pour l'égalité pour tous, comme par exemple, eh bien, l'association Agir Ensemble qui a organisé quelques concerts afin de récolter des fonds pour des voyages solidaires. D'ailleurs, certains sont partis là en Afrique pour reconstruire une salle de classe. Voilà, des concerts au cours desquels j'ai d'ailleurs pu écouter Céluge et Léon accompagnés de Maître Théodore qui ont fait don de leur talent. Céluge que j'avais rencontré, son parcours atypique, eh bien il m'avait plu. Orthophoniste de jour, rappeur la nuit, ça m'avait un petit peu interpellée. J'ai vraiment adoré passer un moment avec vous. Céluge et Léon, moi j'aime bien dire que c'est les Big Flo et Olive Augien. Vous pouvez d'ailleurs retrouver leur mixtape nommé Après sur hauteculture.com en téléchargement et écoute gratuite. Et ma préférée, eh bien, c'est celle-là. Let me ask you a question. Has anything ever happened to you that you couldn't explain? That made you feel sort of foolish when you tried to tell somebody about it? Well, if it has, you have plenty of company. On n'aura pas eu, ça commence en bas de la rue. Car pour rentrer je mets le casque, les gens le savent, j'écris mes phrases. Je raconte mes phrases, que je dévoile le masque. J'ai pas le tas sur ma queue, ah oui j'emmerde les backers. J'suis pas commun, j'suis pas commun, j'suis pas comme le gars. T'entends le N Omega, sortir la caisse quand j'me gare. J'les écoute pas gros, dans ma tête j'ai classique. Et depuis Mino j'tape pour que nos mises soient classiques. Et j'me souviens mes premiers disques sur Walkman. J'fais des bêtises, j'cause pas les filles comme le Cartman. Assis, je n'en passe pas. Pendant que tu parles toi, bah moi, j'taguais cynique sur mon cartable. Le rap m'a piégé, ça fait bien plus de 10 balais. J'ai même pas l'âge de 10 balas, mais je pèse plus que 10 baleines. C'est pour mes gens sains et mes fumeurs de 10 balles. Un pic, une feuille, une enceinte, je viens ce studio qui déballe. Le rap m'a eu, le rap m'a ouvert ses portes. C'est pas d'actu, mais j'en place où pour tous mes supporters. La zik elle m'a porté les soirs où ça n'allait pas. Si je pars, tu sais très bien que la zik, bah elle part avec moi. Je pas que c'est nul, c'est con, on s'est démuse, mais bon. On cramait les prods comme des pros, moi je m'accroche. Je mets la main à la poche, je pour mes potes. Et le projet de CLUG Léon. Ah ouais, ah ouais, le rap t'as eu. Vas-y, à moi alors. Le rap m'a eu, il y a déjà plus de 15 ans. Passant ma peau de jeune grinçant, hérissant les poils, mes bras minçants. Quelques basses et quelques mots, quelques phases dans des démons. Quelques pages qu'on des très hauts, sans tête de paf contre mon cerveau. Il m'a pris de court au beau milieu de celle du collège, au fond du bus si tu connais. Il m'a brisé le coup, il n'y a que moi. La basse, les rimes et les boucles, et qui je crois, tabasse les cris de mes doutes d'un tir précis. Car Claude est un sniper, chaque ligne est un récit. Et mes poètes ne font pas peur, il s'est glissé dans mon sac à dos, m'émancipant la musique parentale avant que je devienne un salado. Une douce métamorphose par en taille, en parlant faille. Je creuse chacun de ces mots blessés, joliment ça m'oppresse. Et je reste posé, c'est faux stressé, mais posé. C'est sûr que je suis déjà fou de son, mais j'en suis pas encore capable. Alors j'ai un cahier dans mon blouson, ou caché dans mon cartable. Je fais que recopier des lignes que je connais sur le bout des doigts. Remplir des pages, déjà me délivre, mais je veux pas le crier sur tous les toits. Je me mesure à chaque mesure, alors que j'ai tort, cédé. Ciné trop de rayures à chaque pause sur lecteur. Le rap m'a eu, mais ces couplets ne sont pas les miens. À vivre heureux, je vis taché car j'ai de l'encre plein les mains. Puis je grandis et m'éloigne, trouvant leurs textes de plus en plus vite. Fallait que je mette les voiles et ils sont prêts de plus en plus. Ainsi, quand je deviens malade, essentiellement au clair de lune. Dès que je peux, je m'y balade et j'en écris quelques-unes. Mais putain, le rap m'a eu, fallait bien qu'il me rattrape. Depuis qu'il est réapparu, je gratte, oui, je rate, je rappe. On parle de nos vies, de nos vices, car le gay jeune, mais pas novice. Si j'ai Léon et le rap, tu peux aussi appeler nos mythes, c'est pour les miens. Ceux qui se demandent ce qui se passe dans mon monde. Ceux qui comprennent rien, rien à ce que je raconte. Putain, le rap m'a eu. Ouais, je vois ça. Rap vous a eu. Allez, on le rap t'a eu. Ouais, je crois bien. Ok, à moi. Le rap m'a rattrapé dans les couloirs du lycée. Dans tous mes cahiers, il est venu se glisser. Maintenant c'est mon étendard et je viens le hisser. J'ai refait mes standards et ma main s'est aiguisée. Immiscé en moi petit, je me suis attaché tant j'accroche. Mon frère augmente le volume de sa chaîne quand je m'approche. Sachant de vivre en 2003, c'est gravé dans la roche. 13 années plus tard, je sors plus en 5 silos caché dans ma poche. En attendant, je laisse le rap, trop jeune pour être touché par les paroles. Je me fais mes propres arts musicales, lance dans la basse et le rock'n'roll. D'abord j'arbore les médiateurs, les accords me mettent d'accord. J'arbore mes 4 corps, mais le rap n'est pas long dans l'iPod. Très vite, le boom bap a remplacé le slap. Rap devient coupable de toutes ces fréquences de clash, de part de claque auditive. Mes paf pendant de neige, gratter mes gammes auditives. Allez, tant que t'as réclissonné, ça m'a tellement démangé. J'ai gratté 2 années d'affilée. De la première à la terminale, j'ai failli laisser le pack filer. J'avais trouvé un moyen d'écrire, d'exprimer. Même si t'exprime et tous écrits que j'ai trié. Au lycée, je me découvre peu à peu en avançant pas à pas. En effet, j'en donne peu à ceux qui ont rendu mes lignes palpables. De nouvelles têtes en première. M'initier, c'est parti, puis se mêler nos mots avec la veuve et le colloque des garnis. Quelques années plus tard, les morceaux se succèdent. Tu peux me trouver à rapper chez moi dans la rue ou parfois sur scène. Rien de méchant, c'est vrai, c'est partagé avec mon frère. C'est le plus important sans lui, je ne saurais comment faire. Voici le dernier morceau du projet, je sais pas ce qui nous a fallu. Mais les bougies ont pu faire du rap, même si on vient pas de la rue. Y'a pas d'armure, juste nos murmures et nos tatratures. Putain, c'est surnommé Céluge, le rap m'a eu. Ouais, le rap m'a eu. Le rap nous a eu. Du coup, c'est terminé. Ouais, on finit comme ça, je crois. T'as pas un petit bonus électrique? Ouais, y'a peut-être moyen, ouais. Vas-y. Voilà pour ce son de Céluge et Léon avec Maître Théo, hein, que l'on n'oublie pas, leur DJ. En feat avec Nomis, n'oubliez pas que vous pourrez retrouver leur playlist mixtape après sur hauteculture.com. Un gros coucou à Yo du label 88 Records qui les suit. J'espère que j'ai fait des progrès en anglais pour pouvoir te nommer. Et puis un gros gros bisou à toi aussi pour tout ce que tu fais. Alors j'ai aussi eu, on ne l'oublie pas, mon moment citation du jour. Bon, j'ai arrêté depuis, mais aujourd'hui, eh bien, c'est mon avant-dernière, c'est la spéciale bulle de l'IA. Alors, je me fais plaisir et j'espère que je vous fais plaisir aussi, surtout, hein, parce que c'est le plus important chez nous à Radio Gamozo, c'est aussi de faire plaisir à nos auditeurs. C'est pour ça qu'on vous propose plein de choses très, très éclectiques pour qu'il y en ait pour tous. Eh ben, je vous ai concocté aujourd'hui certaines de mes citations préférées. C'est le moment nostalgie, c'est parti. Alors, une vie bien vécue n'est pas un voyage solitaire, mais une œuvre d'art collective, a écrit le philosophe Job Domenkert. Tchaïkovski a écrit N'attends rien, ta vie c'est maintenant. Tout est changement, non pour ne plus être, mais pour devenir ce qui n'est pas encore, disait Épictète, un philosophe grec qui vécut en l'an 50 à 125, hein, quand même. Angel Ganivet, écrivain espagnol, écrit L'horizon est dans les yeux et non dans la réalité. Georges Braque, peintre français qui a vécu de 1800 1882 à 1963, écrivit « Il n'y a que celui qui sait ce qu'il veut qui se trompe » et la dernière « La liberté, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même » a écrit Louis Gauthier, écrivain canadien. Voilà pour mon petit moment citation, comme je les aime. J'ai transformé les citations, maintenant je propose une minute, enfin en tout cas quelques minutes bonheur tous les mardis à 8h30 et à 13h. Voilà, je peux me lâcher un petit peu plus et puis ça fait plaisir. Alors j'ai eu beaucoup d'invités pour m'inspirer, des associations, des particuliers donnant dans le bien-être, la chaleur humaine, l'entraide et l'amour. Eh bien merci à vous tous pour cette très très belle énergie. Alors j'ai eu le grand plaisir aussi de recevoir au sein de la bulle des artistes tous plus généreux les uns que les autres. Pour certains, rien n'aurait été possible sans certaines collaborations. Un gros coucou à l'équipe de VSCOM, grâce à qui j'ai pu échanger avec Dobé, chanteuse au grand cœur, se battant pour la scolarité des enfants en Côte d'Ivoire et aussi pour les droits de la femme. Et puis Dobé, elle a fait un album se nommant Midi Key. On écoute tout de suite Love, tiré tout droit de cet album. Moi, ça me fait plaisir de lui rendre hommage. J'ai passé un très très bon moment avec elle. Je te fais un gros bisou. Oiseau papita, zeze lilelo. You know how much I love you. You know how much I need you. You know how much I love you. You know how much I need you. Sitani mona bebe kujulu ua yeah when is it my love my love when is it need you bebe Voilà pour ce son de Dobé, Love, voilà, des artistes au grand cœur. Eh bien, j'en ai rencontré plein. Je fais aussi un gros big up aux amis, aux enfants de Zik. Pardon, j'ai toujours envie de dire amis parce que, eh bien, c'est un peu une grande bande d'amis quand même. Ils m'ont un petit peu retourné le studio lors de notre émission. Ça m'a fait plutôt plaisir. Alors, j'ai eu des gens qui sont venus tout seuls, des invités seuls, mais d'autres accompagnés, comme le club Forge Monde il y a quelques jours d'ailleurs, hein. et voilà, c'est très très sympa de partager des moments avec toutes sortes d'invités, que ce soit en groupe ou seul. Encore une fois, j'ai adoré passer tous ces moments avec vous. Alors d'autres comme Delphine, que vous avez entendu tout au début de cette émission, sont venues me voir pour me proposer d'excellents lives. Toujours un énorme plaisir à entendre et à regarder les lives. Je parlais des enfants de Zik juste avant, mais j'ai également Virginie qui était venue avec Guillaume nous parler de Rando des Massifs, un concept très sympa, alliant rando et concert, fallait quand même y penser. Virginie Bégel nous avait octroyé le grand plaisir d'un live dans nos studios. En voilà un petit morceau rien que pour plaisir des oreilles. Besoin de se rassurer en mettant la parade sur ce qui nous paraît être le mieux de soi-même. Briller, se montrer est propre à chacun de nous, même parmi les plus discrets. D'ailleurs, la discrétion est une manière de se différencier des autres. Vois-tu, il y a maintes manières de ne pas se découvrir. Merci à toi Virginie d'être venue au sein des studios pour nous donner ce magnifique live. Voilà, tu nous en avais d'ailleurs fait quelques-uns. Merci encore à tous les artistes qui sont venus ici. C'était super. Alors je tiens aussi à remercier un grand merci à Marcus qui m'a pris sous son aile, qui m'a fait plonger dans le grand bain de Radio Gemozo, qui m'a expliqué toute la technique. Parfois j'ai eu du mal à comprendre du premier coup, mais maintenant ça va beaucoup mieux et c'est grâce à toi. Merci beaucoup de m'avoir parfois fait de gros rattrapages techniques pour combler certains trous. C'était plutôt très sympathique. Merci aussi à toi Mika, que vous retrouvez d'ailleurs dans l'émission hors format certains samedis. Merci beaucoup pour ton passage de flambeau, je me suis beaucoup inspirée de ce que tu fais. De ta gestion avec les invités, de ton côté chaleur humaine et puis de ta grande fibre artistique. Merci beaucoup à toi pour tous les contacts et aussi pour toute l'inspiration que tu m'as donnée au cours de tout le temps que nous avons un petit peu passé ensemble. Même si ça a été rare, j'ai été ravie en tout cas de te rencontrer. Je pense que l'on se retrouvera encore. On n'oublie pas de remercier tous ceux qui ont fait un don sur la cagnotte Hello Asso, cagnotte que nous avons mis en place. Merci à vous, généreux donateurs, généreux auditeurs. Mille merci à tous mes invités. Vous avez tous été au top. Je vous aime très, très fort. Et pour notre dernière bulle de son, j'ai tout simplement eu envie de passer une chanson nommée Le Bonheur. C'est pas pour rien, vous l'avez bien compris, de Panda Dub avec Entourloupe. dis n'importe quoi, c'est pas du tout Panda Dub. Si c'est Panda Dub avec Dub Inc, l'entourloupe, ok, c'est il y a plein d'artistes différents au sein de ce son, je vais y arriver. En tout cas, il est bien nommé Le Bonheur. On l'écoute tout de suite pour le plus grand plaisir de nos oreilles, enfin surtout des miennes, mais j'espère que vous apprécierez autant que moi. Mesdames, messieurs, j'espère qu'en écoutant ce beau disque, vous ne vous êtes pas ennuyés. Je l'espère. Je dis de ce beau disque parce qu'il a été enregistré par des techniciens vraiment consciencieux. À tous ceux qui rêvent. C'est ça certainement. On ne peut pas douter d'une chose évidente, et ça c'est évident, car je voulais ne pas m'abandonner comme un simple rêveur. De quoi parles-tu, mon chéri ? Du bonheur. Parle du bonheur. Eh oui. Voyez-vous ça ? Je suis un peu comme un forçat qui parlerait de liberté, et je voudrais en vérité parler avec plus d'éloquence de ma nouvelle connaissance, mais je ne trouve rien sinon que c'est bien ça. Oui, c'est ça, le bonheur. Voilà, je suis fixé. Je sais enfin pourquoi. Pourquoi sur cette terre, un jour, on m'a placé. Maintenant, tout va bien. Je sais enfin pourquoi, mon amour, je suis né. Je suis né pour aimer, pour t'aimer, c'est certain. Du matin jusqu'au soir et du soir au matin. Qu'est-ce que c'est beau d'être né pour aimer. En tout cas, moi, je vous aime tous. Je suis ravie d'avoir passé tous ces moments avec vous. Mais c'est pas fini. Hein. En tout cas, c'était ma façon à moi, avec cette musique, de vous dire merci. Alors, une page se tourne, mais le livre, il n'est pas terminé du tout. Je vous retrouverai dès la rentrée au sein d'une bulle version hebdomadaire avec mes rencontres, mes pépites, mes découvertes. Une surprise est à confirmer, mais ça va remuer sûrement une fois par mois sur Radio Guémozo avec une nouveauté que je vous proposerai en collaboration avec quelqu'un qui restera secret pour l'instant. Et en attendant, on continue tous les mardis ensemble à partager nos minutes bonheur. Et puis surtout, surtout, n'oubliez pas, hein, bonheur, rire et joie à tous, j'y tiens. Et puis, pour se faire plaisir... Eh ben oui, hein, quoi de mieux que de gros, gros bisous. Je vous fais à tous de gros, gros bisous. À tous ceux que j'ai cités, à tous ceux que je n'ai pas cités, à tous ceux avec qui j'ai pu échanger, discuter, apprendre plein de choses. En fait, à tous mes invités, à tous ceux qui ont écouté. Je radote, mais c'est pas grave. Je tiens vraiment à tous vous remercier. L'équipe de Radio Guémozo qui m'a grand ouvert les bras, qui m'a un petit peu coucouné. En tout cas, voilà, c'était une expérience inoubliable pour moi, mais comme je l'ai dit, ça s'arrêtera pas là. On se retrouvera très très prochainement. Allez, maintenant, c'est le générique. Hein. Des gros gros bisous. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong. They only killing time, another second gone. I heard your man at home, now you melatonin. But you acting young, and you hella grown.